100% rap français. Et c'est parti pour la nocturne 100% rap français juste après Difool. Grosse nocturne, on a beaucoup de sons, on se régale en ce moment. Vous avez vu aussi les chiffres de vente, gros carton pour l'album de Jul, c'est près de 70 000 albums vendus, 66 000 exactement. Booba 35 000 la première semaine, Rof 20 000. Nekfeu aussi 14 000 avec la réédition de l'album Nekfeu qui était déjà à plus de 100 000. Bref, tout va bien pour le rap français, d'autant plus qu'aujourd'hui est sorti aussi Ripro 2, La Crime. On avait pu le découvrir la semaine dernière, dimanche dernier, dans un planète rap exceptionnel. La Crime, on va débuter évidemment avec une double à La Crime, à qui on passe une grosse dédicace. On salue aussi tous ses partenaires autour de lui. Voilà, grosse dédicace, La Crime par deux fois. C'est ce qu'on va écouter maintenant avec un clip qui est arrivé tout à l'heure, Marabout. Et puis il y aura le morceau avec Maître Gims aussi juste derrière, Petit Jaloux, du son de Casseur Flotteur, du son de PNL au programme ce soir, du son de Jul, je vous le disais, Alpha One aussi qui délivre des gros morceaux. Bref, on va être bien, posez-vous pendant deux heures. Il y aura aussi certainement une petite session classique vers la fin. C'est parti, coup d'envoi de la nocturne. 100% rap français, planète rap. La nocturne. Ripro 2 est dans les bacs, La Crime. J'ai vu mon reflet dans le miroir. J'ai mis des anciens reflets dans le tiroir. On tombe dans la cité, on est broliqué. Que Dieu me pardonne, j'ai braqué, forniqué. Liberté d'expression, comme Martin Luther. Jamais devant Catin, tu me verras me taire. Je suis l'équipe nationale, repose dans un sauna. Si t'es perdu, allume ton GPS, direction la sauna. Ils sont terrorisés, armes de l'Est. Mémorisé, je vais tous les tuer, y'aura pas de geste. Je suis comme l'araignée, partout où je passe, où je tisse ma toile. Police aux frontières, avec 2 kilos de pire quand je passe la toile. Je construis mon avenir, des enfants, de l'argent, des apparts. Tu sais mon ami, dans la vie tu as les requins blancs et puis les sapins. Des fois tes amis te mettent tout dans le dos. Tu crois peut-être que la clé du coffre est dans mon manteau. Je vis dans un cauchemar, j'ai rêvé d'une vie qui ne m'appartient pas. Si tu ne comprends pas, je danse sur un fil qui ne tient pas. Mon reflet, tu le sais qu'on dort bien quand on sait que tout roule et tout rentre. On passe notre vie à tout prendre, au final on va tout rendre. Des sous, ego, tous aveuglés, on nage dans le faux. Un chargement ego, trop de kilos, ton équipe joue au Lego. Y'a plus de Gambino, un litre de pire, on envoie deux pilotes. Des sous, ego, plus de bigot, en cellule pour des mythos. J'pars à Marbella, mes gosses et ma bella. Mon fils a 5 ans, il se perd dans sa villa. Y'a la piscine, pas d'imbécile, m'avoir c'est difficile. Allez niquer vos mères, j'suis au bord de la mer, je suis comme au Brésil. On a charbonné comme jamais, dans le trafic ou pas, on a tapé. Continue de voir le marabout, ou lire dans les marques de café. Sur moi j'ai la graine de café, t'es mauvais parce que tu n'as pas fait. On a tiré là où t'as pas fait, on a raflé là où t'as café. On a charbonné comme jamais, dans le trafic ou pas, on a tapé. Continue de voir le marabout, ou lire dans les marques de café. Sur moi j'ai la graine de café, t'es mauvais parce que tu n'as pas fait. On a tiré là où t'as pas fait, on a raflé là où t'as café. Explicite lyrics, la nocturne. Ripro 2 dans les bacs, La Crime, Maître Gims. petit jaloux. Il est minuit, à ma montre, je sens tout comme le monde. Hier soir, j'ai rêvé que je m'appelais la crème, que j'avais tout niqué. Toutes les balles sont dans les barillets. Elle mouille de la chatte et veut se marier. Si tu veux acheter, on a tout ce qu'il faut. Tu fais du détail, pourquoi tu fais le gros? Le son parle en tonne, y'a R, y'a R. De le club à l'envers, c'est la guerre, la guerre. One for money, two for the show. One for money, two for the show. C'est qu'on est les meilleurs. J'ai leur corps déter. J'ai fait des mitrailleurs. On fait des love. A pu savoir où les mettre. On est tous un peu comme Pablo. On est tous mecs d'un CD. Ton CD. J'suis dans la boîte, sur plein de bouteilles. Sa mère l'oseille, on se tue pour elle. J'regarde le ciel, complètement bourré. C'est un du match, j'ai des lits sur le sel. Bon, pas le monde. Comme les bouteilles de Zaza, nos cœurs sont vides. Et de plein de joints de weed. Un million d'ennemis. J'ai rêvé que j'étais maître guitare. Petit jaloux. Petit jaloux. Petit jaloux. T'es dans le piège jaloux. C'est le jour de l'an. C'est le jour de l'an, c'est le jour de l'an. Mon rêve en dépense, on fait couler le sang. Couler le sang, couler le sang. Tous les yeux sur nous, mais parfois des jaloux. Hey hop, hey hop. Numéro 1 avec qui tu veux jouer. Hey hop, hey hop. One for me, two for the show. One for me, two for the show. One for me, two for the show. Comme les bouteilles de Zaza, nos cœurs sont. De plein de joints de weed. Un million d'ennemis. J'ai rêvé que j'étais maître guitare. Petit jaloux. Petit jaloux. Petit jaloux. T'es dans le piège jaloux. Rap français 100% explicite lyrics. La nocturne. En direct du Rough Game. Y'a pas de fumée sans coup de feu. Vrai de vrai, reconnais vrai. L'homme, c'est l'homme qui te nique ta mère. Ce n'est pas la trappe qui fait la street, c'est la street qui la trappe et le monte en l'air. Ce n'est pas le flingue qui te fume, c'est le mec qui est armé qui tire. Ce n'est pas la tirette qui fait le pif, c'est le millionnaire qui retire. C'est pas la féfé qui roule vite, c'est la huss qui accélère. C'est pas le feu rouge qui est crié, c'est que tous les feux sont au vert. Ce n'est pas la loi qui est tordue, mais l'homme qui l'a écrite. C'est pas les cachetons qui font les dégumes, mais le motherfucking dog qui les prescrit. Ce n'est pas l'héros qui fait le gush là, c'est la pulcra qui la bicrave. Ce n'est pas ta rose qui fait la bi-hatch, mais le pervers qui la bouillave. C'est pas la déloge qui bousille les gosses, c'est les parents irresponsables. C'est pas l'illicite qui t'emmène au head, c'est ton poteau, la boucave. C'est pas les keufs qui t'ont pété, c'est toi qui ouvres trop ton cul au portable. C'est pas la juge qui t'a piégé, c'est toi qui es passé à table. Vrai de vrai, reconnais vrai. Vrai de vrai, reconnais vrai. Vrai de vrai, reconnais vrai. Vrai de vrai, reconnais vrai. J't'ai pas reconnu. Kalga, tu es ton pote, c'est le joueur qu'il devait mourir. Paix à son âme, mes frérots, apprends à conduire. Ce n'est pas toi qui es jaloux, mais les chiens remplis de reproches. Ce n'est pas les gens qui te pourrissent la vie, mais ces connards de proches. Ce n'est pas le soir qui fait la secla, mais l'attitude du mec à piller. Ce n'est pas toi qui roule en camos, mais le pélo qui te l'a loué. J'ai pas l'alcool mauvais, c'est ce fils de pute qui m'a saoulé. Ce n'est pas toi qui lui met profond, poto c'est lui l'enculé. Ce n'est pas toi qui est généreux, non c'est elle qui t'a michetonné. Son cœur ne t'a pas menti, mais sa grosse chape t'a mitonné. Derrière la plus timide se cache souvent la plus chaude tasse. Derrière mec sérieux se cache souvent le plus gros chien de la casse. Derrière fliquette nerveuse se cache femme mal baisée. Derrière Schmitt nerveux se cache garçon maltraité. Derrière petit qui joue les shows se cache oncle réputé. On bouffe les couilles de personne et ce jusqu'à ce qu'on se fasse buter. Vrai de vrai, on connaît vrai. Vrai de vrai, on connaît vrai. Vrai de vrai, on connaît vrai. Vrai de vrai, on connaît vrai. La nocturne. Que tu respectes pour ceux qui se respectent. Avec Rof. Que du bégon vert pour les insectes. Vrai de vrai, on connaît vrai. Mais si je t'ai pas reconnu, nique ta mère sur ce son de bâtard. Merci carte mentale, gros. C'est pas la paix qu'on attend. C'est R.O.H. de Kier. Rof, la nocturne. Vrai reconnaît vrai sur l'album de Rof et TLF a écouté maintenant un nouveau son, il s'appelle À Fond. Planète Rap 100% Explicit Lyrics. La semaine du 7 janvier, la France était à fond devant sa TV. Le cœur meurtri, j'ai condamné cette tuerie. Y'a plus de limite, mais que vaut la vie. Désolé mais je manie pas le langage de l'hypocrisie. La liberté d'expression, elle est pour toi. Elle est pour moi, pour vous, pour elle, pour lui. Mes amis sont feu, je chrétien, musulman. Mon stylistique et je m'en fous éperdument. Chacun fait sa vie, rien à péter. Toi tu viens pas nous faire chier. Y'a trop d'amalgames, trop de politiciens. Pour leurs intérêts, ils veulent nous diviser. Prépare leurs élections, ma France n'est pas dupe. J'rappe ma vérité sur un air de tue. J'sais que tu me suis à fond, que t'attends la prochaine rime. Augmente le son, viens n'oublie ma rime. Nomme leur monde, ma jeunesse vit à fond. Sa réalité entre rêves et bas-fonds. Black, blanc, beurre, ensemble c'est bavon. On est tous connectés, nouvelle génération. Nomme leur monde, ma jeunesse vit à fond. Sa réalité entre rêves et bas-fonds. Black, blanc, beurre, ensemble c'est bavon. Citer nos limites, tous le son à fond. Tous le son à fond. Du nord au sud, l'est à Brest, le malaise progresse. Je l'ai lui dans la presse, trop de familles sans dette. Pendant que d'autres s'engraissent, trop de manifs, trop de grèves. Beaucoup rêvent que la courbe du chemin s'inverse. On fait la fête pour oublier ses maux de tête. Ma jeunesse est à fond sur le net. Les enfants adoptifs de Mark Zuckerberg. Tout, tout le monde se connaît, tout le monde se connecte. Ça, ça tire, ça fume, ça s'exprime en émoticône. Je suis à fond dans la musique, à fond dans la déconne. On est sur tous les réseaux, même sur PlayStation. T'es à fond sur elle, c'est vrai qu'elle est mignonne. Là, le fond, elle est forme, on est à fond dans la fond, squat fitness. Snapchat, Insta, chicha, tout le week-end. Prêt à explorer le monde des nuits parisiennes. Afin derrière le PSG, trop détrôné par sa MSN. Nomme leur monde, ma jeunesse vit à fond. Sa réalité entre rêves et bas-fonds. Black, blanc, beurre, ensemble c'est bavons. On est tous connectés, nouvelle génération. Nomme leur monde, ma jeunesse vit à fond. Sa réalité entre rêves et bas-fonds. Black, blanc, beurre, ensemble c'est bavons. Citer nos limites, tous le son à fond. Tous le son à fond. Vas-y, mets-toi à fond. Poussez le son à fond. Ça, c'est nos limites. Ça, c'est nos limites. Ça, c'est nos limites. Tout le monde est à fond. Ça, c'est nos limites. Ça, c'est nos limites. Ça, c'est nos limites. Tous les jours à fond, à fond, à fond. Ensemble à fond, à fond, à fond. On se maintient à fond, à fond, à fond. On lâche rien à fond, à fond, à fond. Tous les jours à fond, à fond, à fond. Ensemble à fond, à fond. fond. Pousse le son à fond. Planète rap. La nocturne. Avec le son de Jules maintenant dans la nocturne. 100% rap français. Le morceau s'appelle Lova. Carton pour l'album de Jules, My World. Ta bouche me teinte, ton boule trop tenté. Faut que je me détende, alors s'il te plaît détends-toi. J'ai le blues de toi, j'suis perdu quand t'es pas là. Viens avec moi ce soir, j'vais recoudre tes balafres. Hola señora, c'est toi qui m'aura. Faut que tu saches que dans ma tête c'est la Gomorra. Hola señora, c'est toi qui m'aura. Faut que tu saches que dans ma tête c'est la Gomorra. C'est la Gomorra, c'est la Gomorra. Wow. Je sais pas ce que je veux. Mon cœur ne sait plus, mais bon, c'est ça le jeu. Tout ce que tu penses, je le vois dans tes yeux. J'suis choqué, j'suis choqué, j'suis choqué. Je sais pas si je t'aime, je sais pas ce que je veux. Mon cœur ne sait plus, mais bon, c'est ça le jeu. Tout ce que tu penses, je le vois dans tes yeux. J'suis choqué, j'suis choqué, j'suis choqué. Histoire de love, histoire de love, histoire de love, histoire de love, histoire de love, histoire de love, histoire de love, histoire de love. Tu me coupes le souffle. Pour moi t'es canon, je te regarde mais toi non tu me vois pas quand je souffre. Dis-moi si je t'ai saoulé, dis-moi si je te plais pas. Et oui moi je te voulais, mais toi je ne sais pas. Dis-moi si j'ai coulé, dis-moi si ça le fait pas. Si tu finis dans mes bras, jamais on se sépare. Désolé je ne voulais pas te saouler, te prendre la tête comme ça. Oui mais je ne pouvais pas ne pas te dire et rester comme ça. Oh non ma baby, faut que tu viennes m'aider. T'es la seule qui m'a fait oublier qui j'étais. Oh je te vois mais toi tu ne me vois pas. Oh je t'entends mais toi tu ne m'entends pas. Faisons quelque chose ensemble et puis on dit tant pis si on s'entend pas. Je sais pas si je t'aime, je sais pas ce que je veux. Mon cœur ne sait plus mais bon c'est ça le jeu. Tout ce que tu penses je le vois dans tes yeux. J'suis choqué, j'suis choqué, j'suis choqué. Je sais pas si je t'aime, je sais pas ce que je veux. Mon cœur ne sait plus mais bon c'est ça le jeu. Tout ce que tu penses je le vois dans tes yeux. J'suis choqué, j'suis choqué, j'suis choqué. Histoire de l'homme. Histoire de love, histoire de love, histoire de love, histoire de love, histoire de love, histoire de love, histoire de love. Je sais pas si je t'aime, je sais pas ce que je veux. Mon cœur ne sait plus, mais bon, c'est ça le jeu. Tout ce que tu penses, je le vois dans tes yeux. J'suis choqué, j'suis choqué, j'suis choqué. Histoire de love, histoire de love, histoire de love, histoire de love, histoire de love, histoire de love, histoire de love, histoire de love. La nocturne. Tour de Ken Master,

du monde sont dans une Porsche Cayenne bleue. Je me suis dit fini de bailler, faut mailler ça y est, faut se transformer en Saiyan 2. La vie est technique, elle te met que des fans de corps. J'ai plein de cordes à mon arc, il faut que je blinde le corps. J'suis dans le vortex, passe temporel. Pas le temps pour elle, je dois devenir un maître de la musique contemporaine. On court dans tous les sens pour les lauves. J'oublie pas que c'est une chance de faire couler l'eau. Jouer, j'ai plus l'âge. En effet, là, je te fais un aveu. Je suis aveuglé par la maille, je vois même plus les rages. Aucune de ces balles, trinque, shoot, flingue, joue. Jamais, je suis au studio depuis 5 jours. Respect quand tu vois que le négro passe. De quoi ce négro parle? Faut que je te mette au parfum, moi je crois pas que ce négro parle. Non, rien ne sert de s'agiter, je reste sur les cadences et en flocon. Je suis presque une avalanche et c'est comme si j'étais sagittaire, ouais. J'envoie des flèches sur les balances. J'envoie des flèches sur les balances. 1, 2, 3, je prends la place qui me revient de droit. 4, 5, si t'as la rage, y'a le vaccin. 6, 7, 8, on s'occupe des racistes cette nuit. 9, 10, dédicace mon pote item. 1, 2, 3, je prends la place qui me revient de droit. 4, 5, si t'as la rage, y'a le vaccin. 6, 7, 8, on s'occupe des racistes cette nuit. 9, 10, dédicace mon pote. 11, 12, c'est une course, fonce, double. 13, 14, 15, tu sais qu'elles adorent flingue. J'arrive avec ma bande où je me déplace seul. Que du liquide, du colal, du genre et de la sueur. Elles se prennent pour Nicky sur le dance floor. Quand leur fesse frotte sur ton kiki, faut que tu restes fort. Le DJ passe un son de Biggie, ça enjaille les diables folles. C'est un vrai sport, on veut augmenter le score. Y'a des Zoulous, y'a des Vikings dans mon escorte. Ça roule des sticky, Ralph Lauren pour le dress code. Mais là je recherche une boule, je fume pas ton shit naze. Je recherche une gymnaste, elle va monter sur une poutre. Qui on est, ils le savent, dans la salle, tout le monde nous salue. C'est salas, ambiance Barcelone ou salou. Ça boit le whisky sec, ça sort la salade, ouais on salue. À l'aise comme dans un salon, mais salaud se croit dans un salon. Sur la liste des meilleurs, on n'est pas vers le bas. Carré VIP dans les clubs, on n'est pas vers le bas. Non, c'est toujours officiel, quand c'est l'entourage. Je t'étrangle avec les ficelles de mon tourac, hein. 1, 2, 3, je prends la place qui me revient de droit. 4, 5, si t'as la rage, y'a le vaccin. 6, 7, 8, on s'occupe des racistes cette nuit. 9, 10, dédicace mon pote item. 1, 2, 3, je prends la place qui me revient de droit. 4, 5, si t'as la rage, y'a le vaccin. 6, 7, 8, on s'occupe des racistes cette nuit. 9, 10, dédicace mon pote. À l'ancienne, mon plan était court, les grands étaient cool. Puis j'en ai vu plein lécher des glands et des couilles. Un, deux, chromitest, les rappeurs. Je leur apprends la politesse comme la police napolitaine. Ramène des noirs, des blancs et des crouilles, des clans et des crous. Il me faut juste des planches, des gants et des clous, hein. Hein. Don MC. Un 99L. 100% rap français. 100% explicit lyrics. La nocturne. LM. Arrêtez pour moi d'un lot qui est. ça te rate. Trop de buts seuls me guettent. Inch'Allah, demain ça ira. J'ai honré quand tu veux mon sème. Tu as senti vivre en verra. N'oublie pas, moi c'est N.I.M. Les bouleurs dit au bandit. Avec qui le flingue j'ai branlé. C'est tout, c'est ici. À la mort, à la vie. J'ai trop d'ennemis, trop d'ennuis sur ma vie ici. Faut être sans diépit, sans répit. Faut tout enculer. Sur l'enloi j'ai trop sépi. Devant l'équipe, j'ai jamais reculé. Que la juge taille une copie. J'ai tellement vu de la tue jouer les Clint Eastwood. J'ai tellement vu de l'homme pendu sucer des grosses brousses. Monsieur l'agent tue, monsieur l'agent pue. Bienvenue dans le hood. Qu'est-ce t'as cru, même les dealers sur un des coucous de coude. Chicha, Alain, chicha. Je ne peux pas, je veux Alain, chicha. Dieu, je veux Alain, chicha. Pour les pereines, si tu vois le négro, je nous sais, j'ai pris Heja dans la puitette. Je nique des mères à toute vitesse, ma Dieu a syndrome de la tourette. Je suis le cauchemar des doigts à la tirette. Je t'allume ta mère de la tourette. C'est un gros cul, t'as tout ce que j'aime. C'est un gros cul, t'as tout ce que j'aime. Tu ne baisses pas la première fois. Moi je ne baisse pas la deuxième. Dans le sang humain, si je dois noyer, mon jean balle m'écoute à moi noyer. 300 pas sur quête de Grenelle. Féfé, cachère, Patrick, cruel. Chemin de mon carré, sombre, cruel. Je ne fais que de conflits duels. J'ai L.O.C.K. fait la loua. J'ai un D.O. tout est noir. Tu manges la gamelle, je creuse des tunnels. Flot du cartel, Sinaloa. Génération assassin, idéal J. Mama Lova, j'y mets dans le cul. Uber s'en va, je prends aux UV Supernova. Je m'en fous de tes si ma gré de quitte à marbre. J'fais des roues arrière dans le cul ta madre. On peut même pas dire que t'as mal joué, car t'as pas joué. Rafale dans les lombaires pour ta madoué. Beaucoup nous ont lâchés, nombreux sont là. Rapide, très breux, sans son seul à sombre qu'on voit. Paraît que tu es un méchant, ce que je conçois. 2h du mat sur le parking d'Auchan, faudrait qu'on se voit. On règle ça une fois pour toutes comme Joe Lopez. Ce négro m'a pris pour une pute donc je le baise. Niquer de maman c'est ma légère toutes les thèses. Mon plan je vais toutes les baiser, toutes les tèches. Trop près du mal, trop loin du hège. Vive, vivement l'été pourvu qu'il neige. Rap français 100% explicite lyrics. La nocturne. Dieu Boulby Lils et habillé vert violet. Dieu Eze. Bigrave et détail dans le four. Bigrave et détail dans le four. Sa bibi, sa détail, sa bibi, sa détail. Sa bigrave et détail dans le four. Bigrave et détail dans le four. Bigrave et détail dans le four. Comme Marlowe en enquille, les Yankees sont bâtis et McDonald's qui devient fou. Elle est bonne, elle est bonne, elle en fait lui un gosse. côté, je leur si le bébé est moche. Nique sa mère, l'échec et l'échec, j'ai de la drogue. Y'a pas que sur la tête qu'il faut placer un top. Je fais 3 showcase par semaine. Remballe ton salaire de merde et crève en enfer. Donc une attrape un bouquet. On se pavane dans 5-9 comme on a Harlem. Pas ça comme John et Crixus dans l'arène. Les rappeurs nous prennent et les groupies nous flèment. L'oiseau ne suce pas et vole de ses ailes. On s'est mis dans la rap pour décoller. On a fumé de l'air pour décoller. Aujourd'hui je prends l'avion avec dans slip du shit, c'est le fanat. Les amis, les soucis, les groupies s'accumulent. Ça tombe bien en ce moment, mon club s'ennuie. Comme Marlon en Réti sur Carlo dans le buffet. Si l'un de ces salauds veut nous nuire, comment vous dire, je suis paranoïaque. J'ai coupé la C avec de l'ammoniaque. Allez, pétasse, mets-moi de l'huile. Je vais entendre le bruit du canon quand il zack, zack. Grave et détail dans le four, pis grave et détail dans le four. Sa bibi, sa détail, sa bibi, sa détail, sa pis grave et détail dans le four. Pis grave et détail dans le four, pis grave et détail dans le four. Comme Marlon en enquille, les Yankees sont bâtis et McNulty devient fou. Radio officiellement chez Gay, même si je me suis désabonné. Dentaire, bois d'arcy, la santé. Merci, mais j'ai déjà donné. Ça pique grave et fort dans le réseau Fouzou. Pile au moins rentable que la drose Pouzou. La sante à la greffière, la sante à la greffière. Fusil dansant sur la tempe à la caissière. On n'attend pas leur salaire. Armé en inentendu par le CR. Enfouraillé comme section KCLR. J'suis leur père et j'suis sévère. J'suis dans les bails de construction de mansion. 60 je pisse sur un yacht, on les aime jeunes. Sur ton mur de trophées, j'retiens que les gars d'un cent ans. J'serai numéro 1 comme McLeod. J'fais pas l'apologie du crime. J'fais celle des sommes à 10 chiffres. Son droit à être pis s'arrête raté. Tu lèves un doigt, tu prends des chiffres. Qu'est-ce que j'vais dire aux petits gars? Assumez les délits que vous commettez. J'lis fait divers, j'me fais sucer la pinga. J'sirote mon café comme Pigrave et détail dans le four. Pigrave et détail dans le four. Sa bibi, sa détail, sa bibi, sa détail, sa pigrave et détail dans le four. Pigrave et détail dans le four. Pigrave et détail dans le four. Comme Marlon en enquille, les Yankees sont bâtis et McNulty devient fou. Entrée des vaches, t'en gagne comme Sina. Comme au bout d'où je viens foutre le désordre. Le cauchemar des rappeurs sans sinoche. On les pousse à la retraite comme Sidor. Si la guerre est une forme de violence, je vais la manier de manière méthodique. Comme un virus, je vais répondre ma mélodie. Dans tous les taudis, tu peux jouer au Audi. Des tomes des Yankees, business en bâti. Tellement baisé, elle veut même plus repartir. Bebe dans le calcif, visse les gamins. On fait plus de buff que des MC, va dire à McNulty. On marre dans la notion, de la gueule dans les naseaux. Armé comme un nazi, à plein cochard d'assaut. Du prise de la Bastille, du plan dans mon plastique. Du sac de vos nerfs, et des putains de cachets. J'ai lui bouffé la teucha, arraché son string. Avant de crever comme je t'encule les strings. Vivi toute l'année, faut que les lois en vie. Y'a de la feuille, y'a du tchak, y'a de la tasse et de la ligue. Je sais que je suis trop chaud, dis-moi qu'ils peuvent tester. On vient prendre le contrôle, fais gaffe à tes fesses. Pigrave et détail dans le four. Sa bibi, sa détail, sa bibi, sa détail, sa pigrave et détail dans le four. Pigrave et détail dans le four. Pigrave et détail dans le four. Comme Marlon en enquille, les Yankees sont bâti et McNulty devient fou. C'est sur le projet de Gradure, le morceau Balti à l'instant dans la nocturne 100% rap français. Planète Rap. La nocturne. SCH. Poto. La crime. 19. Godze. Marafak. Kor. La crime. Je vais vous montrer c'est comment. Hein? Marseille. Ah. Oh. Je suis venu chiffrer. Le savoir est une arme. Je suis calibré, je suis cultivé. Maman sait j'étais là, c'est sur toi que mes deux yeux sont rivés. Pourtant je me fais rare, ils me verront plus qu'en 1080p. J'ai mis le carton main, je suis sur tous les rentés. Tous les rentés, tous les bétons. On a grandi doté dans les taux. Poto, tu sais qu'on vient racheter ta ville. Nouveau riche avec des métaux. Tonton, je suis au carré, je fais pas l'entrée. On a vidé l'été, nos garçons hantés. Toi, je te baisse tant que j'ai la santé. Toi et ta putain d'équipe, les garçons manqués. Boîte cette matote, t'es scola, la putain, je bois sec, je tiens le gobelet, le volant. C'est tous les jours le nouvel an, salope, on a connu la dizaine. Ils étaient pas là quand on était rien, j'espère bien que tu leur as dit. Je suis pas ton type, garde-toi ta première partie. Oh non, dans l'appart ça pue la widow. Eux ils verront mon doigt et mon dos. Je mange avec les politiques, c'est les nouveaux riches avec des téflons. Je les corrige juste avec un doigt. Au foyer papa veut juste un doigt. Tes potos s'achètent des habits. J'ai pas le temps, faut que je lui rachète un T3. Malafak. Je lique, je lique, je lique, je lique, je lique. Mais moi de dark. Mes chaussures brillent. Je regarde mes pieds, mais moi de dark. T'es dupliqué, dupliqué, dupliqué, dupliqué, oui, clique. Chichi dans la musique, car quand elle me suit, ils sont plus sédants. Je liquide, je liquide, je liquide, je liquide, je liquide, je liquide. Mes chaussures brillent. J'me volais pas. T'es dupliqué, dupliqué, dupliqué, dupliqué, oui, cliqué. Chichi dans la musique, car quand elle me suit, ils sont plus sédants. Si y'a 2-3 pitch, y'aura pas 2-3 bouquets, 2-3 cons du club, pas même pas 2-3 week-ends. Je vous ai niqué, regarde mes freestyles, dernière collection, pépé, dernière Audemars Piguet. J'ai fait du bif, on a la rue derrière, du liquide, du liquide. Si j'te fais mon équipe, ton équipe, tu connais pas ma vie, mon équipe. Des appâts, des vilains, des plaques diplomatiques, des semi-automatiques. Depuis ton talon, te niquer ta mère, fiston, c'est la thématique. Si je te fume, ça fait un mois, pas besoin de mathématiques. Tu peux pas nous suivre, mais mon fils ne méprise du plaque Gabbana. Je suis sorti de la misère, il aura son hôtel à Copacabana. On part à Dubaï, on en sort, j'ai niqué tous mes sous. J'entends l'hôtel à Jacuzzi, ma chérie me masse le cou. On voit la monnaie, les belles choses ont un goût. Prends pas tout mon temps, j'étais en déjeuner. J'ai bien mangé, je sors de ta bulle, bouffe ma côté ton salaire. Je te baisse ta mère, mes petits peuvent fumer le bannière. Grosso modo, j'en ai gros sur le dos. Casque intégral, une grosso moto. Ils aiment trop parler de la gamme, mais ces sales fils de putain n'auront fait que celle des boutons. Je l'ai je l'ai je l'ai je l'ai je l'ai qu'est, mais moi dedans. Mes chaussures brillent, je regarde mes pieds, mais moi dedans. T'es dupliqué, dupliqué, dupliqué, dupliqué, oui, cliqué. Chichi dans la musique, car quand elle me suit, ils sont plus sédants. Je l'ai qu'est, je l'ai je l'ai je l'ai je l'ai qu'est, je l'ai qu'est. Mes chaussures brillent, j'me volais pas. T'es dupliqué, dupliqué, dupliqué, dupliqué, oui, cliqué. Chichi dans la musique, quand elle me suit, ils sont plus sédants. 45 gros moteurs, les types voudront te faire. Ils vont remonter ton salaire, on va remonter l'employeur. On connaît pas nos peurs, on connaît peu nos pères. Tout en haussant la paraffine, tu vas pas nous faire, on sait d'où vient l'odeur. 45 gros moteurs, les types voudront te faire. Ils vont remonter ton salaire. Nous, on va remonter l'employeur. On connaît pas nos pères. On connaît peu nos pères. Tout en haussant la paraffine. Tu vas pas nous faire, on sait d'où vient l'odeur. Je liquide, je liquide, je liquide, je liquide, je liquide. Mais moi dedans. Mes chaussures brillent. Je regarde mes pieds, mais moi dedans. T'es dupliqué, dupliqué, dupliqué, dupliqué, oui, cliqué. Chichi dans la musique, quand elle me suit, ils sont plus sédants. Je l'ai je l'ai je l'ai je l'ai je l'ai je l'ai mes chaussures brillent. Je me pas, je me pas. Tu dupliqué, tu dupliqué, tu dupliqué, tu dupliqué. Chichi dans la musique, quand elle me suit. Planète Rap. C'est sorti aujourd'hui, Repro 2. J'ai dormi la crime sur un nuage que t'as mis de côté vos pas, le blue zone ma wife. La mélancolie de la pure cachée dans mon colis. Fils de pute du Real de Madrid. Ton équipe grosse c'est la Mongolie. Ta mère, ta soeur et Twitter. Pour des choses on n'a pas de buteur. Ico on m'appelle Marico. Je vais partir 20 litres de poudre en 48 heures. C'est vrai je bois du Dom Pérignon. Je fais du chiffre et je les prends tous. Cette année j'ai dû faire le million. Je fume du shit et je regarde la grande ours. La plupart c'est des bras cassés. Le rap game a besoin d'une hôtel. Je me lève, j'ai la vue sur la mer. Baby je dois accrocher à Philippe Blanc qui m'appelle. Petit déj, le joint, le café. Si j'ai pas dormi, c'est du jack. J'prends le jet ultra de 50. Sur la scène, j'fais mouiller des chattes. On se bute, on se reproduit. Elle a 20 ans, elle est déjà veuve. On vend toutes sortes de produits, mon gros, même des plasmas aux aveugles. T'es une pute, t'auras jamais les bons. Une spéciale pour le chat ou le plomb. Y'a pas de solution, comme dit Pablo, c'est l'oseille ou le plomb. Ils vivent dans le paraître, ils aiment faire les racailles. Après le week-end en boîte, la semaine, ils font que manger de la paille. On n'a pas les mêmes buts, pas les mêmes buts, pas les mêmes fuites. On n'a pas la même vie, pas la même vie, pas les mêmes vites. La France m'a mis une fiche, un danger me de l'argent. Madame, je ne suis pas riche, je suis juste un pauvre qui a de l'argent. Je suis né pour faire de l'oseille, ou bien faire de l'horreur. Je leur laisse la liberté, c'est juste pour qu'ils commettent une erreur. M'en accepte que des narvalo, ces bolos tombent tous dans le panneau. Avec ta bourse, tu peux seulement t'acheter un petit pédalo. Ils sont malades des bolas, je suis petit taille comme Nicolas. Je représente des fils de pute qui courent. Moi je suis le cours du dollar. Fungirola, Benamadela, Fefe sur la côte jusqu'à Marbella. L'argent fait tourner les têtes, encore deux, trois lions et je me barre de là. Pour Jean-Mi et Sani, ils payent une sale addition. Le rap c'est l'intérim, dès que je ressors du star, c'est leur fin de mission. Tu ne pourras rien faire, ni même prier la madone. T'as besoin de la parole, tu lèves le doigt, je la donne. La crime, ripre 2. Hey, si tu veux la parole, tu lèves le doigt, je la donne. Big up si tu travailles ou si tu fais passer la tonne. Cette planète la nocturne joke. Everybody is here. Gauche chain 24, grosse glace dosée. J'fume, j'ai pas tout, j'bois ma codeine. Cristal bouteille, j'flex comme Popeye. J'fais plus d'argent que vendeur de cocaine. T'es sûr de pouvoir avaler ça toute seule? J'crame une bouc avant un coup d'œil. J'parle que l'argent, the fuck you say. Les couilles de Kadhafi, Saddam Hussein. Y'a ton nom sur la boîte, sur la boîte, sur la boîte, sur la boîte, sur la boîte. Rap français premier samedi du mois, sur la 4, sur la 4, sur la 4. J'suis numéro 1, mais toujours sur les derniers shit, dernier shit, dernier shit. Conduite inadmissible, roule sur ces imbéciles, imbéciles, imbéciles. Go chain 24, grosse race d'oseille. J'fume, j'ai pas tout, j'vois ma codeine. Cristal bouteille, j'flex comme Popeye. J'fais plus d'argent que vendeur de cocaine. Cocaine, cocaine, cocaine, cocaine, cocaine, cocaine. Toi t'es bon qu'à péter ta bouche. Le bouchon pète, laisse monter la mousse. J'te choque comme Interstellar, j'ai pas le même scénar. J'entre dans la matière noire, j'ai une huître au poignet. J'vais trouver la perle rare, j'te fais l'amour sur la côte. Laisse une lame prête à jouer. Et mon bien en bouche, j'ai tiens en joue. Volant en bois dans le cœur de la jeep. On en concert dans mon lit, tapé ta scrimon. Y'en a qui en ont pas et y'en a qui en ont. J'coupe la coque comme un ninja, j'trouve ton kimono. La vie te terrassera, t'effacera mes bouts, tu les masseras. J'veux ma vie dans ta bouche, tu beurs dans mes pas. T'as que choix d'année si j'le fais pas. T'as némasta, j'suis zizou, épelé, j'suis nada, enastas. Gold chain 24, grosse glace d'oseille. J'fume, j'ai pas de touche, j'bois ma codeine. Cristal bouteille, j'flex comme Popeye. J'fais plus d'argent que vendeur de cocaine. Cocaine, cocaine, cocaine, cocaine, cocaine, cocaine, cocaine, cocaine, cocaine, cocaine, cocaine, cocaine, cocaine, cocaine, cocaine, cocaine, cocaine, cocaine. Planète rap, 100% rap français. Une petite session planante, PNL, dans la nocturne 100% rap français. Après, il y a le titre inédit de PNL Lyon qui arrive. Je veux du N, je veux du V, je veux du G. Pour désapper ta raclée. Ego, on est voué à l'enfer. L'ascenseur est en panne au paradis. C'est bloqué à Bombay, je fais big rap dans l'escalier. Président, dans le hall, j'ai vu Lyon clivoter blanc. Ouna, ouna, ouna, ouais. Mon gars, mon gars, mon gars, j'sers. Du taga, taga, AVR. En jaune ou en vert, nique sa mère. La famille a faim, pas le temps de raconter ma life. Rêve de balivernes. Je veux pas de câlin, j'suis qu'un glaçon sous string ficelle. Ah non mais oh, elle m'a pris pour qui pour oh mais oh. Non mais allô, non mais allô. J'laisse trace pour trans au WC, en LV totalement pété. J'rentre coke dans les poches, quand petit frère pas à l'école. J'suis dans ma pull, pull, pull. Oh shit, le shit, le shit, le shit. Pull, sans sur le pull, sans sur le pull, pull. Oh là là, dégage ton boule, dégage ton boule, boule. Oh shit, ton mal mon bien. Ouais ouais ouais ouais ouais ouais ouais ouais ouais pour les miens. Ouais ouais ouais ouais ouais ouais ouais ouais ouais le monde ou rien. Ouais ouais ouais ouais ouais ouais ouais ouais ouais moi ça me convient. Ouais ouais ouais ouais ouais ouais ouais ouais ouais. Hugo, je tourne en rond, les putains tournent en rond pour attraper ma queue. Pour attraper ma queue. Que Dieu bon cher fasse tout ce qu'il vaut pas un rond comme l'honneur du bac. Comme l'honneur du bac. Et je suis la pomme pourrie qui se gare du panier. J'nique ma solitude tant que les poches sont bien accompagnées. Que la mif, les mêmes armes, les mêmes salaires. On sauvera pas toute la terre. J'prends la couronne, la pose sur la tête du petit frère. Les larmes de la misère ont le goût de ma haine. À bout de souffle, ma haine me redonne de l'oxygène. Faut pas t'en faire, Tico, relève la tête, la misère m'emmène en balade. Rempart de ton échelle au fond du trou, j'empile mes péchés, j'escalade. Et rien ne change comme le bruit du giro. J'suis plus Savastano que Tchiro. Et j'préfère m'éteindre plutôt que de briller dans l'ombre de ces bâtards, le monde tu cours. J'suis dans ma pull, pull, pull. Oh shit, le shit, le shit. Pull, sans sur le pull, sans sur le pull, pull. Oh là là, dégage ton boule, dégage ton boule, boule. Oh shit, ton mal mon bien. Ouais ouais ouais ouais ouais ouais ouais ouais ouais pour les miens. Ouais ouais ouais ouais ouais ouais ouais ouais ouais le monde ou rien. Ouais ouais ouais ouais ouais ouais ouais ouais ouais moi ça me convient. Ouais ouais ouais ouais ouais ouais ouais ouais ouais. Planète Rap, 100% rap français. Nouveaux amis, nouvelles armes. T'es pas la paix, c'est que t'as pas fait la guerre, guerre, guerre. L'oseille et la mif, éclaire mon âme. Je refais la peinture du frigo en bleu, jaune, vert. On veut notre coin terre, on veut la planète terre. Ouais, ouais, ouais. On veut le monde chico. T'inquiète, on rentrera tout ce qu'on acquiert. Ouais, ouais, ouais. On veut le monde chico. Ok, ok, je crois que c'est plus. Tu sais, c'est tard. Le morceau Lyon de PNL maintenant. Je me suis fait tout seul, je sais même pas si je me suis fini. En contrat avec le chétan, sœur, faut que je résilie. Tu veux de la haine, tiens la mienne, je te la définis. Si je te fais tes cœurs, c'est que je kiffe ton pouce dans le bikini. Je t'envoie du vrai, écouté par défaut. Quand t'es dans la merde, bah tu bibis par défaut. Y'a que ton au son, t'entendras du bang bang. Devant son poule, tu mets du triple chanking. Tant de choses à raconter, plus vraiment grand chose à compter. J'mets mon front au sol pour voter. Que des tasses à la porte à côté. Que des traites à l'étage en dessous. Que des genoux à l'étage au-dessus. Et voilà, les mythos rendent sourds. Si tu dis vrai, les mythos censurent. Marre de rapper, ça me fait chier, j'arrête bientôt s'il y a pas le pif. Marre de rapper, ça me fait chier, j'arrête bientôt s'il y a pas le pif. Il cause tellement la street, ça nous écoute en free wifi. Au milieu du hood, les frères qui se noient dans le Tennessee. Avoue que tu kiffes Jasmine, mais elle comprend pas que t'es QLF. que tu vends pour la mif, que tu gardes tout au bout des lettres. Pense pas ma gueule, tu es grand, fuck les ténèbres. Et même assis sur le banc, c'est le banc qui devient célèbre. Ico, j'ai l'habitude, c'est ma routine, la galère. Un gros billet, ma villa, et j'crie nananananer. Nananananer. Nananananer. Si on perd, j'fume le Cohiba en Louis V sur la mer. Elle a voulu que j'lui parle, elle a fini par pleurer la psy. Pourtant y'a rien de tragique, hein, c'est la vie, hein. Moi-même j'assume, j'fais ça pour les RPS. Les rappeurs sont SMPR, nous on leur pipi la 16. Nique la grand-mère au SS. Mon son c'est de la frappe, droite au but comme Mark Landers. Toi t'écoutes tes rappeurs rennais qui te vendent la caille ou du poppers. Bref j'vais pas jalouser, moi j'fais pas de vite oublier. Si j'pose ma voix sur l'instru, c'est juste pour ramener un billet. J'm'isole, j'ai trop beau, j'm'enfonce dans la savane. Le sol au-dessus des épaules, vieux bactère, il sépare les grains. Pas besoin de la langue depuis de pour me garer. Entassé, ça sort du F3 ou fini dans un 9 mètres carrés. J'suis pas comme un ego, j'ai pas ma place. Sur un mec, un tour j'casse. J'ai trop pas de respect pour le cul de cette monnaie, j'la vois pas dans la classe. Le charme de ma haine m'embarrasse. Mon passé, mon présent dans ta masse. Pas leur plaire ni leur ressembler. Sur le front, un M dans le dos, un V. J'parle au cul de mon terre. J'vais vendre en casse-père. Même ennemi que mon frère. Ensemble, on fait la guerre. Un bâtard teste mes couilles, un petit ange teste mon corazon. Pour le bâtard j'parle andouille, pour le petit ange mon cœur parle en somme. Qu'est-ce qu'on fait dans la vie, vie? On fait ce qu'il faut pour la mif. Sinon j'fais dans la bi-bi. Manie les anges me sifflent. Les démons kiffent, les démons kiffent. Les démons kiffent, les démons kiffent. Une bombe dans le pitch, j'suis sous calmant avant qu'elle pète peine. Les démons kiffent, les démons kiffent, les démons kiffent. Non des âmes j'ai pas d'attache. J'tourne en manie, j'fais les 400 pas égarés. Les anges jouent à cache-cache. Si ça paye pas, retour sur le terrain. Mauvais côté du trottoir. Niquer nos vies, ça va vite mon ami. Hésiter, il est trop tard. Baiser cette vie m'inspire plus trop. Même dans son cul je m'embête. Rien ne change, mandat tous ces kilos. Le Montico sur le cul de la plaquette. Peut pas avoir comme téléphone maison. Là j'tourne en rond, j'crois après les ronds. Cet aspect smoke sur ma cuscon. Mais elle veut pas que son mec le sache. Et moi j'veux pas savoir ton blase. Pour leur sourire ça pipe quand c'est QLF quand tu crois qu'on brasse. Va bien niquer ta petite trace. Que la mif pour résonner. Que les bleus pour venir sonner. Sur le matelas plus de monnaie. Retour au bon char abonné. Les murs se fritent, le temps passe trop vite. Là y'a plus de liquide. Chico, je revends le bolide. Et je garde le brolic. Je passe par le genou dans la montée. J'attends le sommet pour recompter. Ico, y'a des vies à combler, à fonder. J'ris pas, j'aime pas le mot du comté. Mot du comté, mot du comté, mot du comté, mot du comté. Rap français 100% explicit lyrics. La nocturne. Mais bang bang bang. XV Barbare. Mais bang bang bang. Le gars ou la rose. J'ai vite fait le choix. Le gars ou la rose. Pour qu'on s'arrange, donne-moi un prix abordable. Le gars ou la rose. Je sais pas quoi choisir, j'y vais à l'audace. Le gars ou la rose. J'y vais à l'audace. Le gun ou la rose. J'y vais à l'audace. Le gun ou la rose. J'y vais à l'audace. Le gun ou la rose. Sont la plupart de mes proches. Les trois quarts de mes assos sont dans le business. J'suis dans la street pour remplir mes poches. Me parle pas tes galères quand tu te noies dans la crise, mais j'suis sur le rinté, j'les baisse tes blèmes sur le commissaire. Je vais m'esquinter, je roule un joint bleu, laisse mon homifère. On fume la frappe, tu fumes somnifère. J'ai le produit frère et le business promifère. Aucun de mes négros n'est honnête, c'est sûr. Et pour la pure, cette bitch exécute donc quelqu'un me sait sûr. Pour elle c'est triste, le monde part en couille négro donc moi je me méfie de cette vie. J'ai plus de temps à perdre donc pourquoi je me décide. Sans ce je suis foncé, je me balade dans la capitale. Bébé, ne crois pas que je t'aime, c'est juste amical. J't'accueille avec un gun et tu vois mon vrai visage. Devant ma porte à 6h, des fois j'attends la ficaille. Dis-moi ce que ça commence à être l'hiver, j'suis toujours dans ma ville. Les meufs deviennent chelou, mon gars, faut faire attention à ta fille. À mon avis, j'crois que tu pètes à plomb parce que c'est devenu une bite. Son mec la gifle, donc tu prends ton brolic et tu fais. C'est le gun ou la rose. Lui, il a préféré ta rose. Dans sa tête, ça a explosé. Trop tard, la dinguerie est déjà faite. Alors, arrête de faire la meuf propre. La tête de Rome, c'est fait à place cloche. Tu mets, je te mets des rebuts en poche. Tu montes dedans, y'a le télé ou à hoche. Pour toi, c'est le pacteur. Deux mois plus tard, tu finis en cloche. C'est les problèmes et t'avances. Le gun ou la rose. J'ai vite fait le choix. Le gun ou la rose. Pour qu'on s'arrange, donne-moi un prix abordable. Le gun ou la rose. Je sais pas quoi choisir, j'y vais à l'audace. Le gun ou la rose. J'y vais à l'audace. Le gun ou la rose. J'y vais à l'audace. Le gun ou la rose. J'y vais à l'audace. J'ai basculé. Chacun son but dans la vie. J'fais tourner la dope dans la vie. Et rien à foutre de ton ami. J'aurai cette chaudasse à coup de fil. Donne-moi ton salaire ou ton fixe. Dans la semaine j'fais le double tri. Dans la semaine j'fais le double tri. Dans la semaine j'fais le double tri. J'veux des millions et encore je suis mignon. On va se refaire sur une hasba de litron. La peur fera contamine. Hanté comme la rue condamine. Le gun ou ma rose. Mes pensées sont trop sombres, j'ai mon gros cahier. J'ai confiance en personne, gros. Comment faire confiance aux gens alors qu'à moi-même je me mens. Dis-moi comment faire de l'argent sans argent. J'brasse dans la merde en agent, gros. Pas étonnant qu'on insulte la mère de l'agent, gros. Oui, c'est la folie dans ma tête, bitch. Oui, c'est le boxon comme au check, bitch. Oui, et pour certains c'est toujours la fête, snitch. Oui, pas d'amitié, pas de sentiment quand ça parle en chiffre. I'm solo, j'finirai ma vie, I'm saoulé. Belvedere ou bien absolu, tant que j'finis pas obsolète. Tout comme tel loser, j'ai la dose et le doseur. Range le couvert, le rentre est ouvert de 12h à 12h. Montre-moi ta face, Snapchat. Non, ça tu passes, black. Ta passe chez moi, Jack, flashback. Skank. Enroulé blunt. Stunt. J'tourne dans la zone. J'ai vite fait le choix. Le gun ou la rose. J'ai vite fait le choix. Le gun ou la rose. Pour qu'on s'arrange, donne-moi un prix abordable. Le gun ou la rose. Je sais pas quoi choisir, j'y vais à l'audace. Le gun ou la rose. J'y vais à l'audace. Le gun ou la rose. J'y vais à l'audace. Le gun ou la rose. J'y vais à l'audace. Le gun ou la rose. La gun ou la rose. La gun ou la rose. La gun ou la rose. 100% rap français. 100% explicite les 97 FM, Radio Phoenix. Tout feu, tout face. La radio diffusée dans tout le Calvados. Je vais par le nom de DJ Do It. Et laissez-moi vous présenter mes invités de ce soir. Un pote de longue date, mon homeboy, Guillaume Tranchant. Gringe, moi c'est Gringe, moi. Gringe. Gros big up à tout l'IUT Infocom de IF. Et ce soir, t'es venu avec ton homeboy, je te laisse le présenter ou tu veux te présenter tout seul, peut-être. Aurélien. Aurel, il s'appelle Aurel en fait. Lui c'est. Bah ok, mortel. Vous êtes prêts les mecs, on balance l'instru? Ouais, ouais. On balance l'instru, DJ, mets-leur un petit son pour qu'il kick ça dans tout feu, tout face. Ok. Cadi. Okay. Y aller ? C'est faisable. J'arrive en cours avec plus de retard qu'une femme enceinte. Pieds sur la table, Reebok blanche, taille 45. J'rends copie blanche, laisse pas d'empreinte. C'est tous les jours dimanche, si tu me reçois bien, tape-moi 5. Y'a rien à faire, j'suis paresseux. Comme une maladie grave, mon cap pique grave, mais sachez de bœufs. L'argent facile, les filles aussi obsédées par les deux. Donc j'compte mes billets pendant que ta petite copine me tape des queues. Fous-moi du son comme ça que j'm'immerge. J'm'en fous tout exploser, j'ai déjà baisé 70 vierges. Pour moi le rap c'est easy comme un exercice de maths. MC t'es mort dans l'œuf, MC t'es mort sur l'île de Pâques. Mec on apporte sans 9 défonce comme une pipe de crack. Approche-toi des enceintes, finis ta vie comme Simple Jack. Et je donne ça à l'ancienne époque tatouée Bob Kangol. Quand on tirait jusqu'au fil sans que ça parte en clope menthol. Le meilleur groupe de tous les temps avec un job à côté. Ma meuf a 15 ans, on fait des jeux bizarres avec sa corde à sauter. J'suis Mick Jagger qui fait de la téléprospection. J'connais moins bien mon visage que mon reflet dans la machine à pression. J'fais tout le contraire de ce que je suis censé faire, la preuve. J'rappe, j'mets leur album à l'amende avec un seul track, un seul braque. Ces jeunes gadins rêvent de vivre dans une pub de parfum. On vit dans les pubs préventives où les jeunes meurent à la fin. Même pas sûr d'avoir le mérite d'exister. Pessimiste, c'est la sixième fois de la semaine que je me fais dépister. J'ai du mal à me faire gicler quand je suis déchiré. Je fais climer, je vais jusqu'à ce que la capote soit périmée. Je traîne avec des mecs inadaptés qui prennent des drogues avec des noms qui font toutes les lettres de l'alphabet. Adolescent attardé, hooligan au crâne rasé. Macabé, à 3h du mat au McDrive à pied. Yo, au McDrive à pied. Yo, yeah. Aurélie Grain. Ah, les gars, lourd. Radio Phoenix. On éclate la face B dans la plus grande bestialité. Tu vas prendre tellement cher, c'est un peu comme du sexe tarifé. J'fais tellement bien la prod, j'ai peur de voir mes ex rappliquer. Fini pour être sacrifié, laisse-moi kicker. J'ai rappé la sexualité des gens moches. J'ai écoulé mon stock de shit, la mêle plastifiée dans les poches. Notre vie c'est du suicide, tu n'es brosé. Moi j'rentre un peu dans tous les mauvais goûts, les putes frigides, les plans foireux. J'articule pas quand j'parle, l'esprit complètement vasseux. J'avance lentement parce que j'multiplie tant par deux. Le style est scandaleux, copine tu chanteras mieux. On prend ta place dans la queue. Dédicace aux enfants boiteux. Partout on passe. On entend un embarque. Casseur flotteur. On fait dérailler le train, les autres ont 15 wagons de retard. J'te doite avec les ongles noirs pendant que tu pompes le dard. Toujours la même question, quand est-ce qu'on a une once de gloire? Et t'inquiète Minus, on va conquérir le monde ce soir. 97, Radio Phoenix, tout fait tout passe. Casseur flotteur. Ah les gars, on vous entend là. Ok. Aurais les grains, bonnet blanc et blanc bonnet. Mon rap est tellement violent, tu vas rater ton brevet. J'fais des sons mélancoliques, les tiens sont bêtes à pleurer. J'passe mes journées dans mon lycée, je pourrais pas me lever. C'est ni fait ni à faire, donc ce sera jamais refait. J'me fais souvent gober les couilles et ma carte de retrait. Tu veux connaître ta forme, mais j'garde secret. Tout ce qu'on va laisser derrière des larmes et des regrets. Plus rapide que toi quand tu tapes un sprint. Tu veux savoir ce que j'pense de ton album? Néant. J'collectionne les mythos et les lendemains de cuite. Pour esquiver ma meuf, c'est du slalom. Géant, monte le son. Que les voix s'infligent. Faudrait j'perde un pari pour qu'on fasse un feed. Le point commun entre ta meuf et la mienne. T'habites, j'avais ces chemins d'avant étoile de mer. Patrick. Nous, on rentrera jamais dans les clous. Nous, on vient réinventer la roue. On est tout ce que tu verras jamais dans GQ. C'est pas la photo qui déconne, c'est moi qui suis flou. Férence, c'est mignon comme des pandas roux. C'est du rap à néothérapie, on les traîne dans la boue. Nous, on essaie seulement d'avoir l'air normal quand ils sont prêts à tout pour avoir l'air fou. Tu pars tout con qu'on fait parler la poudre. Trouve-nous là où tu vois tomber la foudre. Les abrutis du fond du bus, sale crétin. On fait passer ton groupe par temps pour un groupe de rap chrétien. Allez voir le film. Comment c'est loin. Tiens, comme on n'est pas loin aussi d'une session classique, on va partir avec un classique d'Aurel San. Planète Rap, 100% rap français. Aujourd'hui sera le dernier jour de mon existence. La dernière fois que je ferme les yeux, mon dernier silence. J'ai longtemps cherché la solution à ces nuisances. Ça m'apparaît maintenant comme une évidence. Fini d'être une photocopie. Fini la monotonie, la lobotomie. Aujourd'hui, je mettrai ni ma chemise ni ma cravate. J'irai pas jusqu'au travail, je donnerai pas la patte. Adieu les employés de bureau et leur vie bien rangée. Si tu pouvais rater la tienne, ça les arrangerait. Ça prendrait un peu de place dans leur cerveau étriqué. Ça les conforterait dans leur médiocrité. Adieu les représentants grassouillés qui boivent jamais d'eau comme s'ils voulaient pas se mouiller. Les commerciaux qui sentent l'aftershave et le cassoulet. Mettent la mayonnaise sur leur mallette, ils se la boufferaient. Adieu, adieu les vieux comptables séniles. Adieu les secrétaires débiles et leurs discussions stériles. Adieu les jeunes cadres fraîchement diplômés qu'empileraient les cadavres pour arriver jusqu'au sommet. Adieu tous ces grands PDG. Essaie d'ouvrir ton parachute doré quand tu te fais défenestrer. Ils font leur peur sur des salariés désespérés et jouent les vierges effarouchées quand ils se font séquestrer. Tous ces fils de quelqu'un, ces fils d'une pute snob qui partagent les trois quarts des richesses du globe. Adieu ces petits patrons, ces pauvres bourgeoisés qui grattent les RTT pour payer leurs vacances d'été. Adieu les ouvriers, ces produits périmés. C'est la loi du marché mon pote, t'es bon qu'à te faire virer. Ça t'empêchera d'engraisser ta gamine affreuse qui se fera sauter par un pompier qui va finir coiffeuse. Adieu la campagne et ses familles crasseuses proches du port au point d'attraper la

cerné par ton corps, je pourrais encore pleurer. Mais je suis plus qu'un missile téléguidé. Que ta arme et quand t'as décidé de me quitter, j'ai plus quitté pour danser. Entièrement de ma faute, t'as tout faux si tu crois que les garçons vont en boîte pour danser. On pense avoir le temps de se rattraper quand faut se dépêcher. Parmi ceux qu'on fait céder, combien veulent qu'on fasse des péchés. J'ai prédit que certains céderaient d'un psy, hein. On a tous le droit à cette rédemption. Alors j'ai épousé ma plume pour affronter les tempêtes et repousser la brume. Y'en a qu'une et elle m'absorbe comme la goutte d'encre sur laquelle je mets l'accent. J'suis là pourtant mais j'suis absent, ouais. J'ai épousé ma plume. Ce soir pour mes matelots, y'aura pas de dîner dansant. On partagera une taille qu'on fera néné dans le centre. Ouais, on aime être ensemble, toute l'année les gens le sentent. Attirés par la violence parce qu'on est né dans le sang. Aucune affaire conclue avec les lâches. Ce qu'on eut quand j'avais rien, à part l'amour de mes galériens. Ce qu'on eut avec des haches. Seul dans ma hutte, les yeux sur mon avenue. Je pense à tous ceux qu'ils ont eu, la route tourne plus, y'a sûrement un U. Je pense à toi mon frère qui a épousé ta plume. Dépoussiérer ton armure et repousser la brume. Liquide nocif dans ta cristalline, dès que la crise t'abîme. Mais quand t'écris ces lignes, des étoiles qui s'alignent hors de ta chrysalide. Béni soit celle qui embellit ton ciel, même dans l'horreur pénitentiaire. Quand tes erreurs pénitentiaires, et quand le mal t'en sert. T'as une femme sincère, t'en es maintenant certain. Car dans tes yeux les flammes dansèrent. Force à toi si t'as épousé ta plume. Si c'est la seule qui t'a plu. Si vos chemins de ceux qui te plu. Moi elle m'absorbe comme la goutte d'encre sur laquelle je mets l'accent. Je suis là pourtant mais je suis absent, c'est vrai. Je suis plus vraiment là depuis que j'ai épousé ma plume. Pour affronter les tempêtes et repousser la brume. Y'en a qu'une et elle m'absorbe. Je suis là pourtant mais je suis absent. Hein, si j'étais un marin, je lèverais l'ancré. Mon verre de rhum est chantré à la gloire des femmes aux robes échancrées. Y'en a certaines que j'oublie vite. Et je fuis comme un lâche. Mais toi t'es parti en me laissant blanc comme un linge face au lit vide. Si tu laisses la flamme mourir, je mourrai d'abord. N'oublie pas que le pardon se nourrit d'aveux. D'un œil accusateur, tous les pas s'en scrutent nos disputes. Mais ça ne les regarde pas, l'amour est aveugle. Rien de plus dangereux qu'une fille au cœur brisé. Mais ta haine, c'est ma seule lumière dans ce tunnel. Car si tu me détestes et que tu m'aimes, je t'ai pas laissé de répit. En apparence, tu t'es pris d'un autre que moi pour me détruire. Tu m'annonces que ton cœur est pris. Et puis on fait l'amour, tu trouves ça maléfique et dément. Et ton amant, étonnamment, est plus magnétique qu'un mari aimant. Aimant, aimant, aimant, aimant, tu sais. Moi j'ai épousé cette plume, elle m'empêche de t'aimer, elle m'empêche d'écrire qu'on s'aime plus. J'ai épousé cette plume, elle m'empêche de t'aimer, elle m'empêche d'écrire qu'on s'aime plus. Quand je rentre dans la reine, je suis comme un dieu qui s'amène. Même le fil il me mène, je suis impérieux et suprême. La démesure bien huilée, la masse criminelle. Je suis porté, transporté, tu ne cesses d'exister. Tu ne peux que capituler, tu sens mon aura rayonner. Je suis comme une vieille bâtisse, capable de tenir des siècles. Quand je rentre dans la reine, non plus rien ne me freine. C'est inscrit dans mes gènes, c'est comme mon ADN. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse, une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis enivrés. Je suis marqué au fer, c'est comme si je t'échappais terre. Rassemble tes troupes pendant que je rassemble mes foules. C'est comme si le monde était en feu, comme mon œuf trois les boules. J'assure les arrières, pas de décrépitude. Je t'en fortifie l'attitude. La reine se chie dessus. Les MC se chie dessus. Rayonnement quand je t'en fortifie l'attitude. La reine se chie dessus. Les MC se chie dessus. Oh, par les bleus, les gris, les guerriers, clèves en main dans l'arène. Nous sommes des seigneurs. Portés par le pouvoir, pire qu'un gladiateur. Dans l'arène, nous sommes les seigneurs. Je me sens comme un dieu maintenant. J'ai les deux pieds dans l'arène maintenant. Jeune petite en bipolaire. Pareil pour la guerre et pire maintenant. Sans des larmes et des ruines derrière nous. Grandiose depuis le début, transformé par la foule. À bas

93 prod. Man. Sors que la gueule, les muches donneuses aiment la gueule. Régine Cristal, ça c'est Paris Bike. On gamme, on s'offrime à Paris Bike. On va sur bienvenue à Paris Bike. Tout Marseille passe à Paris Bike. Même les pêches traînent sur Paris Bike. Toujours de quoi chez mon à Paris Bike. Nous on sort que la gueule, les muches donneuses aiment la gueule. Régine Cristal, ça c'est Paris Bike. On gamme, on s'offrime à Paris Bike. Provence, bienvenue à Paris Bike. Tout Marseille passe à Paris Bike. Même les pêches traînent sur Paris Bike. Toujours de quoi j'ai mon à Paris Bike. Pas besoin d'être sur mon 31 pour voir que je suis de la sortie. À la dor, un job du Miozotti. Sobia, du Jack, champagne, des orties. Le monde appartient aux méchants. Ceux qui partent en premier sont les gentils. C'est vrai que ma confiance coûte cher, mais ma parole c'est ta garantie. La force viendra de l'union. Quand tu sais pour du tombé du matu. À part quelques niamas et ma mif en moi, personne n'y a cru. La chance m'a donné ça te chasse. Cette fois-ci vous l'avez dans le cul. En gamo ça pèse des vides. Pas parce qu'il fait chaud mais juste pour la frime. Les fouteux attirent les escortes. L'argent appelle les putes. Ça a tiré à la sortie de la boîte. Moi je m'en rappelle plus. La bouteille de Jack sur ta tête. Une fois qu'on a assez bu. J'ai dépassé le maître. Appelle-moi l'élève assidu. Nous on sort que la gueule. Les miches tonneuses aiment l'ail. Régine Cristal, ça c'est Paris Bike. On gamme, on s'offrime à Paris Bike. On va sur bienvenue à Paris Bike. Tout Marseille passe à Paris Bike. Même les pêches traînent sur Paris Bike. Toujours de quoi chez mon à Paris Bike. Nous on sort que la gueule. Les miches tonneuses aiment l'ail. Régine Cristal, ça c'est Paris Bike. On gamme, on s'offrime à Paris Bike. On va sur bienvenue à Paris Bike. Tout Marseille passe à Paris Bike. Même les pêches traînent sur Paris Bike. Toujours de quoi j'ai mon à Paris Bike. Si le rap game monte en puissance, Niama, c'est parce que Nabini. Depuis la street a tout gâché, tous les petits sont mis dans la bibi. J'espère ne pas clamser comme Tupac, Tuki ou encore Biggie. Depuis tout petit, moi j'ai galéré, Bango, Balingi, Nini. Les MC sont immatures, on va leur enfoncer le pili-pili. L'état passé dans leurs morceaux, c'est comme ça qu'on les punit. J'envoie du lourd pour la new school, pour les go et pour les puristes. Des masques pour faire des arrachages ainsi que pour fuir la police. J'fais du sale, vous faites le ménage. Bah ouais, car vous êtes mes boniches. Libertin, y'a chicha, c'est comme ça que ça se passe sur Bélis. Tout le monde dit les proliqués, car la nuit c'est la zone à risque. T'as 11 minutes 43 secondes pour prendre la fuite lorsqu'on arrive. Nous on sort que la gueule. Les miches tonneuses aiment l'ail. Régine Cristal, ça c'est Paris Bike. On gamme, on s'offrime à Paris Bike. On va sur bienvenue à Paris Bike. Tout Marseille passe à Paris Bike. Même les pêches traînent sur Paris Bike. Toujours de quoi chez mon à Paris Bike. Nous on sort que l'ail. Les miches tonneuses aiment l'ail. Régine Cristal, ça c'est Paris Bike. On gamme, on s'offrime à Paris Bike. On va sur bienvenue à Paris Bike. Tout Marseille passe à Paris Bike. Même les pêches traînent sur Paris Bike. Toujours de quoi j'ai mon à Paris Bike. Planète Rap, 100% rap français. Je ressens de la tristesse, mon cœur est en mille pièces. Je ressens de la tristesse, mon cœur est en mille pièces. Doucement, je ressens la haine dans mon sang. Un jour je partirai au bled, les pieds devant. C'est peut-être mon heure, j'en ai le sentiment. Sur le sens de la vie, parfois je me trompe. Je dors mal, comme si je devais des sous. Comme si on m'avait brisé tous les os, étouffé par le zoo. Comme une mère qui vient de perdre son fils, je me griffe les joues. Parle à ma main d'autre en perdre la vie. Des pleurs du sang, je n'ai pas de parapluie. Je rêve du paradis, j'ai vu pleurer mon bled, j'ai vu pleurer Paris. Ton visage, je ne peux pas l'oublier. Avec ceux qui t'aiment, j'ai veillé. J'ai marqué le jour de ta naissance. Comment vais-je faire avec ton absence? J'ai vu trop de gens perdre fond en l'humanité. J'ai vu la tristesse, mais j'ai vu l'espoir. J'ai vu des milliers de bougies allumées. J'ai vu la tristesse, j'ai vu l'espoir. J'ai vu trop de gens perdre fond en l'humanité. J'ai vu la tristesse, j'ai vu l'espoir. J'ai vu des milliers de bougies allumées. Je ressens de la tristesse. Mon cœur est en mille pièces. Je ressens de la tristesse. Mon cœur est en mille pièces. Je ressens de la tristesse. Mon cœur est en mille pièces. Je ressens de la tristesse. Mon cœur est en mille pièces. Je me réveille au milieu de la nuit. À la télé, je vois des horaires. Au fond de moi, je ressens de la peur. Des blessures cachées au fond du cœur. La vie, c'est ton passage sur terre. La mort, c'est ton passage sous terre. Je demande pardon à mon Seigneur. Je refuse ma place en enfer. Incognito, dans la voiture de madame. Comme tout le monde, il peut m'arriver un drame. Quand tu partiras, ils diront tout ce que t'es termine. T'étais clean, t'étais digne, que t'étais brave. Contre la mort, on ne joue pas à la montre. Les regrets me hantent, les pensées sombres. Le 112 met du temps à répondre. Personne t'entend quand tu cries dans la tombe. Ton visage gravé dans mon cœur, ton nom écrit sur un bout de pierre. Dans la main j'ai pris un peu de terre. On se réunit pour une dernière prière. J'ai vu trop de gens perdre fond en l'humanité. J'ai vu la tristesse mais j'ai vu l'espoir. J'ai vu des milliers de bougies allumées. J'ai vu la tristesse, j'ai vu l'espoir. J'ai vu trop de gens perdre fond en l'humanité. J'ai vu la tristesse, j'ai vu l'espoir. J'ai vu des milliers de bougies allumées. Je ressens de la tristesse. Mon cœur est en mille pièces. Je ressens de la tristesse. Mon cœur est en mille pièces. Je ressens de la tristesse. Mon cœur est en mille pièces. Je ressens de la tristesse. Mon cœur est en mille pièces. Je ressens de la tristesse. Mon cœur est en mille pièces. Je ressens de la tristesse. Mon cœur est en mille pièces. Et Lucas, tristesse dans la nocturne. Un classique du 113. Et après, on part pour la session classique pendant une petite trentaine de minutes. C'est la nocturne classique. Coup d'envoi. Planète rap. 100% rap français. Des sons d'actueux. Toujours d'actueux. Des sons classiques de la nocturne. Si la paix pouvait embrasser ce monde juste un jour, une trêve, une pause pour que l'on sache après qu'on court. Sait-on encore ce que signifie l'amour? J'ai bien peur que non, Dieu nous le montre tous les jours. La planète tourne à l'envers, ça me fait peur. Voyez-vous les flammes de l'enfer, frères et sœurs? Ne lui vendez pas vos âmes. J'aimerais dire que les clés du bonheur se trouvent pas dans les billets de banque. Voir tous ces gens libérés de la peur qui les hante. Qu'aiment la vie mais celle-ci leur a fait un baiser mortel. Quelques rimes que tu peux comparer aux larmes du soleil. Un jour de paix, tant qu'il y aura des hommes et des femmes qui s'aiment. Ton cœur c'est pas une télécommande, mais on veut tous une femme présente. Même dans la tourmente, chacun regagne son domicile. Comme des tranchées, ta couleur de peau peut faire de toi un étranger, tu trouves ça normal? Moi je me sens chez moi n'importe où. Citoyen du monde avec peu de moyens mais libre au moins. Au fond de moi j'ai du mal à comprendre. Quand je vois c'est mon mal, vie du mal nourri. Victime de maltraitance, Vitry, mon cadre de vie, rongé par le trafic. L'amour au compte-goutte comme les aides humanitaires pour l'Afrique. Au cœur de l'incendie, il suffit pas de se lever du bon pied. Traverse les flammes, courageux et brave comme un pompier. Si la paix pouvait embrasser ce monde juste un jour, une trêve, une pause pour que l'on sache après qu'on court. Sait-on encore ce que signifie l'amour? J'ai bien peur que non, Dieu nous le montre tous les jours. La planète tourne à l'envers, ça me fait peur. Voyez-vous les flammes de l'enfer, frères et sœurs? Ne lui vendez pas vos âmes. Comment rester insensible

cachée. Personne dit que la vie est faussée, y'a plus qu'à foncer. Tête baissée, poussée à foncer. Facile à dire, difficile à faire, mais tout ça roncé. Avec tout ce qui s'est passé, pensez que t'arrives à pioncer. Les présidents secondés, l'économie du bled viandé. À se demander demain, qu'est-ce qu'ils vont pas inventer. Sans plaisanter, y'a pas que l'air pollué qui nique la santé. J'ai beau boire vidèle et j'arrive pas à éliminer mes féminés, t'as deviné gamberge pour m'examiner. Mon kikiné en filant du sang contaminé. De l'armée réformée, la route fournit un taf de fourmi. La vie se propose t'es formé, tu t'accroches et bien que t'as le mormé. Insécurité, chômage, misère, fais-toi un mort-né. Torture, inceste, pédophilie, adultère, antisémite. Pour l'être humain, plus de limite. Bourreau, bandit, devient des mythes. Attentat insolite, insécurité, compte de la crypte. La vie sur terre, je la vois pas telle qu'on me l'a décrite. Les principes s'effritent, on fait confiance et traite de bons types. Qui fume pas, boit pas et prétend que la drogue ça constipe. À croire que tout ce qui quand je vois qu'il y en a pas un qui se rebise. Trop tard pour pleurer, j'ai avec ça depuis écœuré. Le pari couru, mourir ou finir pourri par eux. L'homme est à loup pour l'homme, se poussant sans cesse au maximum. Où va le monde? À la seconde, je me le demande. La fin est proche, c'est le plus faible qui sert d'offrande. C'est juste un dernier jour sur terre à passer. Je fais mes adieux et renonce à tout ce que j'ai pu aimer. J'attends la pluie qui viendra balayer ce chaos. Tout effacer pour tout recommencer à zéro. C'est juste un dernier jour sur terre à passer. Je fais mes adieux et renonce à tout ce que j'ai pu aimer. J'attends la pluie qui viendra balayer ce chaos. Effacer pour tout recommencer à zéro. Un dernier jour sur terre. La folie, la terreur, des gosses, des mères qui pleurent. Qui est l'apocalypse, les rues en feu, chaos, des cris d'horreur. Magasin, billets, cambriolage, braquage, rap de billets. Voitures brûlées, femmes violées, le sang coule dans les villes dévastées. Tête soudoyée, jusqu'au rompu, t'en sortes à payer. Dans le vice noyé, l'instinct bestial, j'entends aboyer. Le mal choyé, t'as choix que si tu peux le monnayer. Chacun se tape le vrai visage que chez ta nuit à tailler. Et yo, y'a plus de justice, la folie balaye tout sur son passage. On parle de carnage, de crimes gratuits, de génocide, de lynchage. Le tonnerre gronde, la pluie s'abat sur terre pour tout effacer. Dieu créa les hommes, les âmes pour se tuer. Y'a bien longtemps que le curé qui bénit ne fait plus de génie. La religion plus de miracle, la science misère débat. La soif de conquête, l'avidité, la fin, l'ambition. La quête de pouvoir, de dominer peuple et nation. Destruction, remake de Mad Max, frère contre frère. Guerre atomique, terre perdue, décadence, rêve déchu. Trop tard pour reculer ou regretter, se lamenter, pleurer. J'emporte avec moi mon passé et tout le mal que j'ai fait. C'est juste un dernier jour sur terre à passer. Je fais mes adieux et renonce à tout ce que j'ai pu aimer. J'attends la pluie qui viendra balayer ce chaos. Tout effacer pour tout recommencer à zéro. Juste un dernier jour sur terre à passer. Je fais mes adieux et renonce à tout ce que j'ai pu aimer. J'attends la pluie qui viendra balayer ce chaos. Tout effacer pour tout recommencer à zéro. % rap français. Marine, tu sais ce soir ça va mal. J'ai trop de choses sur le cœur donc il faudrait que l'on parle. Marine, si je m'adresse à toi ce soir, c'est que t'y es pour quelque chose. T'as tout fait pour que ça foire. Marine, dans le pays de Marianne, y'a l'amour, y'a la guerre, mais aussi le mariage. Marine, pourquoi tu perpétues les traditions? Sais-tu qu'on sera des millions à payer l'addition? Ma haine est immense en ce soir de décembre. Quand je pense à tous ces gens que tu rassembles, tu sais, moi je suis comme toi, je veux qu'on m'écoute. Et tout comme toi, j'aimerais que les jeunes se serrent les coudes. Marine, t'as un prénom si tendre, un vrai prénom d'ange, mais dis-moi ce qui te prend. Marine, on ne sera jamais amis parce que ma mère est française mais que je ne suis pas née ici. Marine, regarde-nous, on est beau, on vient des quatre coins du monde mais pour toi on est trop. Ma haine est immense quand je pense à ton père. Il prône la guerre quand nous voulons la paix. Donc j'emmerde qui? Le Front National, moi j'emmerde qui? Le Front National, moi des pensées de ton géniteur. Génération 80, on a retrouvé notre fureur. Marine, t'avais l'honneur d'être proche de l'ennemi, d'installer un climat paisible dans nos vies. Mais Marine, t'es forcément intelligente, t'as pas songé à tous ces gens que t'engraines dans l'urgence. Marine, t'es mon aîné et pourtant je ne te respecte pas.